donc un peu les filles. Allez, on va Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que Julie doit tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de Verigé dans l'émission Johnny de A à Z qui officie pratiquement tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit et vous présenter une émission de qualité. Oui, bien sûr de qualité. Et aujourd'hui, on va vous présenter dans l'émission 539 le fameux, la fameuse sortie, le fameux projet, le fameux, comment on peut dire Jean-François? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bonsoir Jean-François. Salut. Comment peut-on dire un peu qu'est-ce que c'est cette sortie, ce fameux Johnny 71 avec tout ce qu'il va nous présenter. C'est un must de la carrière de Johnny. Pour te dire déjà, je place la barre haute, c'est mon album préféré. Ah bah écoute, c'est un de mes trois préférés. Ce n'est pas parce que c'est ma date de naissance, 71, mais c'est mon album préféré. Il n'était pas né quand c'est sorti. C'est ça, de par la qualité musicale, de par la maîtrise musicale, et puis en même temps, la fameuse réalisation de Chris Kimsey. Mais on va en parler tout au long de cette soirée. Donc vous avez compris, ce soir c'est le thème Johnny 71, qui va sortir vendredi, le 23 février, dans tous les bons disques, chez tous les bons disquaires. Alors, c'est la collection Livre-Disque. Voilà. Cette collection qui maintenant existe depuis quelques années. Et c'est un produit qu'on attendait depuis un petit moment quand même, parce qu'il est prêt depuis quelques mois et qui enfin va être disponible donc vendredi. Vendredi, déjà, on a eu un avant-goût un peu la semaine dernière, ouais, avec Rest, Waterloo, les inédits. Trois singles en fait. Et le fameux mix alternatif de Oh ma jolie Sarah. Oui. Et au cours de cette émission, on aura aussi la participation de Xavier Perret. Ah oui, chef, à qui on doit ça? Le chef de projet chez Universal Music France et également l'ingénieur du son, celui qui a travaillé sur l'album, sur un nouveau mixage. Il travaille sur le mixage, il a travaillé aussi. Lui qui a travaillé sur les lives. Et non. Sur le live, si, le PDS, le si, PDS Sport Santé, c'est lui, aussi. mais pas le Palavas Les Flots, ce n'est pas lui. Non. Ça, c'est nos amis de Toucher Townhouse, Geoffrey et Jean-Étienne. Mais déjà, en principe, je peux te dire que Laurent Guénaud, il nous écoute ce soir, en principe. Bonjour Laurent. Et puis donc, ils vont intervenir tout au long de cette émission. Et puis, Jean-François est là aussi pour nous raconter un peu la genèse, nous raconter l'histoire, tout ce qu'il y a eu autour, les articles de journaux qui sont apparus, l'album qui a été incendié ou sinon sublimé. Mais c'est surtout le PDS Sport qui a été incendié. C'est pas l'album, c'est le spectacle qui a été incendié. Et dans le livre disque, il y a plein de reprises de tous les documents que me propose ce soir Jean-François, qu'on retrouve dans, vous allez retrouver ça dans le livre disque ou à l'arrière dans le coffret livre disque. Il est superbe. Je peux vous dire, c'est un petit bijou. Vraiment, je vous le dis, c'est un bijou. Voilà, on en sent le produit, mais vraiment qu'il est vraiment excellent. Il est très très bon. De toute façon, l'album le mérite et le spectacle le mérite aussi. Et le mixage qui a été fait, vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Il est vraiment génial. Comment on commence, Jean-François? On va commencer par une légère présentation. Si on parle de cette fameuse date du mois d'avril, où sort le premier 45 tours. Oui, le premier 45 tours sort effectivement au mois d'avril. Et au même moment, il y a un hebdomadaire à l'époque qui s'appelait Pop Music Super Hebdo, qui paraissait, je crois, tous les jeudis et qui était en fait sur l'actualité musicale. Et cet hebdomadaire affiche Johnny en une et avec un titre qui est incroyable, qui est Johnny meilleur que jamais. Et cet hebdomadaire nous raconte en fait cet enregistrement avec des photos prises à l'Olympic Sound Studio et avec un descriptif du contenu de l'album que Johnny est en train de préparer. Et à ce moment-là, ils annoncent déjà que le tube de l'album, c'est « Oh ma jolie Sarah » et le single va sortir le 15 avril. Premier single extrait de donc cet album avec ce titre « Oh ma jolie Sarah » qui va devenir un des grands hits de Johnny, un titre absolument incontournable toute sa carrière. Tout le long, et alors, on a toujours dit que c'était le titre le plus stonien de Johnny Hallyday, qu'on aurait bien vu d'un riff Keith Richards jouer sur ce morceau, parce qu'effectivement, on retrouve bien l'esprit de Rolling Stones. Ça aurait été une grande surprise de voir arriver Keith Richards, tout à fait. Donc, on va attaquer tout de suite avec Hommage au Lissara, avec la version nouveau mixage. Et on va vous expliquer un peu tout ce qui va se passer au cours de cette émission, mais juste après ça, nous aurons aussi les quelques participations de Xavier Perrault ainsi que de Laurent Guénaud. Voici Hommage au Lissara, nouveau mix sur RIG dans l'émission Johnny 2 à Z. Pauli Serra. Nous avons entendu le nouveau mix. Le nouveau mixage. Et Laurent nous parlera un peu aussi, un peu plus tard, en cours de cette soirée, les différences qu'il peut y avoir entre un mix, entre un remix, entre un mixage, un mastering et tout ça. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore qu'est-ce qu'est la différence, même avec une masterisation. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Juste avant qu'on intervienne, il y a Laurent qui m'a préparé un petit montage qui va durer quoi? 39 secondes. On va écouter le morceau Hommage Uli Serra avec la voix a cappella de Johnny, puis après va rentrer les guitares, rentre les chœurs, puis après va rentrer l'orgue, la basse et la batterie. On va écouter ça en extrait pour vous montrer un petit peu le travail qu'il fait, parce qu'on travaille sur des bandes multipistes, qu'on peut arriver à ce travail-là, et ils n'ont pas retravaillé sur le master original. Le master original, on peut pas le faire, ça, on peut plus le faire, mais en travaillant sur les multipistes, on peut détailler tout ça, et quand on écoute la voix a cappella de Johnny, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est génial. C'est génial. On écoute ça sur le thème de RIG. Car tout change et tout casse et tout passe et tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Pour écouter uniquement Johnny Hallyday avec les guitares, uniquement ça suffirait. C'est formidable. J'espère que tes auditeurs vont apprécieront ce petit montage parce que c'est rare, c'est unique et c'est vraiment très intéressant. Et en plus, Laurent a fait ça exprès. Laurent et Xavier ont proposé ça exprès pour cette émission. Voilà. Merci à eux. Merci à eux. Et puis voilà, on ne peut écouter Johnny voix guitare, mais c'est génial, rien que ça. Et sur ce titre, Ma Jolie Sarah, qui a été donc le grand tube de l'été 71, chanson qu'il faisait évidemment sur scène dans sa tournée et qui annonçait le futur palais des sports. Et quand le single est sorti, évidemment, on l'a écouté en radio avant qu'il soit commercialisé et on était impatient de savoir qu'est-ce qu'il y avait en face B. C'est toujours intéressant. Tu sais, en plus, moi, j'adore les faces B. Mais c'est vrai. Mais là, la face A, elle est exceptionnelle. Mais j'adore les faces B. Et je me souviens très bien, à l'époque, il y avait une émission sur Europe numéro 1 qui s'appelait Campus, qui était animée par Michel Lancelot. Vous savez, Michel Lancelot, c'est celui qui a fait les fameux Campus Barcarès en 69, 70, et puis Palavas. Le fameux Palavas. Michel Lancelot, c'est une émission qui a succédé à Salut les copains. C'était depuis l'époque des Yéyés. C'était beaucoup plus, c'était un peu différent. On pouvait entendre Brel, Brassens, la chanson française, mais Johnny aussi, parce que Lancelot aimait beaucoup de Johnny. J'écoute ça, moi, quand je rentre, et j'entends à un moment des accords de guitare, un titre qui démarre, et je me dis, ah, ça serait quand même vachement bien si c'était Johnny. Et coup de bol, enfin, c'était Johnny, c'était Que j'ai tort ou raison, qui est la face B. C'est une composition de Gary Wright, qui en a fait 4 sur cet album. Moi, j'avais adoré. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là là, il y a du lourd. Et bien justement, cette face B, on va l'écouter, mais dans l'album Session. Dans l'album Session, donc une version alternative. Version alternative qui va dure, je crois, près de 6 minutes. 6 minutes 13. On peut-être pas le temps de passer les 6 minutes 13, non, mais. Déjà, on va écouter en gros l'intégralité de l'album. Voilà. À un ou deux titres près, mais on va écouter l'intégralité de l'album. Et particulièrement, on va faire écouter ce soir les sessions, enfin, le deuxième disque, les versions alternatives. Oui. Les versions voix alternatives et musique alternative. Exactement. Voici Que j'ai tort ou raison sur le thème de RIG. Comme des chiens avec leurs yeux immondes, ils ont décidé de partager le monde. Ils ont leur morale et moi j'ai la mienne. Que j'ai tort ou raison de vouloir t'aimer, c'est à moi de choisir. Ils n'ont pas le droit de nous déclarer la guerre. Que j'ai tort ou raison de vouloir t'aimer, c'est à moi de choisir. Ils n'ont pas le droit de nous déclarer la guerre. J'aimerais savoir au nom de quoi ils jugent et pourquoi leur regard nous accuse. Ils ont leur morale et moi j'ai la mienne. Excellent. L'orgue de Gary Wright. C'est très bon ça. Il a fait quelques télés à la sortie de ce single. Il a fait Tempo, il a fait Sacha Chaud. Et puis, après, à un moment, là, c'était l'album, en juin, il fera chez Guy Lux, avant de partir en tournée. Il avait fait un playback sur Que j'ai tort ou raison, je crois que c'était dans le tempo, je crois. Est-ce que je l'ai fait en duo impossible, Que j'ai tort ou raison? Oui, je l'ai fait en duo, c'est vrai, je l'ai fait en duo impossible. Avec Gary Wright. Avec Gary Wright, tout à fait. Je l'ai fait et, Gary Wright ne rivalise pas avec la voix de Johnny. Non, mais. Je te confirme, parce que quand je l'ai vu au Palais des Sports, c'était pas le même niveau. Dis, alors, est-ce que t'as autre chose à rajouter sur du genre, sur ce fameux 45 tours? Le 45 tours, donc il sort, c'est une grosse vente, c'est un carton, ça annonce super bien l'album. On sait pas quand l'album va sortir. Oui. Parce que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où on sait exactement quel jour un album va sortir. À l'époque, t'as aucune idée, tu sais qu'il y a un album qui va sortir. Ils avaient prévu certaines dates, et en fin de compte, c'était repoussé d'un mois. De date, non, il y en a pas de prévu, tu sais pas. Ils avaient pas dit en mai, il y a un article qui parle de mai, en fin de compte, il sort un mois plus tard. Il sort en juin, en fait, l'album. Ce qui est amusant et en même temps un peu triste pour le journaliste en question, il y a un mensuel qui s'appelle Extra qui est sorti en avril et ils étaient partis à Londres pour rencontrer Johnny et pour en fait tout savoir sur cet enregistrement. La première semaine où ils sont arrivés en plus à Londres, c'était en février, le 14 février. Voilà, quand ils sont arrivés et en fait les pauvres ils ont jamais vu Johnny, ils ont jamais vu Hallyday, ils sont jamais rentrés dans le studio et donc ils ont sorti un article qui était finalement un peu triste et en même temps pas trop méchant, mais parce qu'on entendait qu'ils aimaient finalement bien Johnny, mais ils n'ont eu strictement aucune information. Donc on savait que cet album avait été enregistré, mais on savait rien du tout du contenu. C'est Gérard Baquet qui était le rédacteur en chef de ce mensuel, qui plus tard a d'ailleurs travaillé chez Polygram, et il était très déçu. Mais par contre, quand l'album est sorti, la critique était très bonne, et donc il en a pas voulu de ses rendez-vous manqués. Ben oui. On retrouve ces anecdotes-là dans le livre disque, justement, avec sous un texte de Jean-François Brieux. Très bon texte où on reprend un peu ce qu'on vous dit. Et c'était la première semaine. Il disait que la première semaine, en fin de compte, je sais pas, le groupe se réunissait, mais il y avait pas encore cette ambiance, cette osmose qu'il y avait encore. C'était la première semaine de travail qui n'a pas été. D'après ce qu'on apprend, c'est qu'en fait ils ont changé de musicien. Oui, aussi. Oui. Par rapport à ceux qu'ils devaient avoir au début, il y a eu des changements. Et voilà, ils ont pris des Écossais. Écossais, je crois qu'il y en avait un. Et puis il y avait surtout en fait Gary Wright qui est la pierre un peu angulaire du projet, Mickey Jones, Tommy Brown évidemment, et au guitare il y a Jerry Donohue qui va remplacer en fait Mickey Jones dans l'orchestre de Johnny, parce que Mickey Jones à ce moment-là va arrêter de jouer sur scène avec Johnny, et pour le Palais des Sports qui est prévu quelques temps après, c'est Jerry Donohue qui sera sur scène avec Rolling. Il y avait une question que j'ai posée à Xavier qui a pas su me répondre, il m'a dit je lui poserai, c'était pourquoi Jean-Pierre Azoulay n'a pas participé à l'album Flagrant Délit. Alors qu'il avait participé au précédent. Il a participé, à l'album Rivière. Oui. Survie, c'est l'orchestre de Johnny qui enregistre, donc effectivement, il participe et il participera à Solitude. Voilà. Peut-être que, voilà. Parce qu'après, on le retrouve pour les concerts, pour les lives. À part Mickey Jones et Tommy Brown. Oui. T'as pas de personne qui travaille sur scène avec Johnny sur l'album. Il y a peut-être, je sais plus, dans les claviers, il y a peut-être Jacques Dangean. Je sais pas si. Oui. On va revoir ça. On vous dira ça. Mais Rolling n'était pas sur cet enregistrement. Oui. Parce que là, c'était vraiment une bataille de guitare. Rolling, j'ai déjeuné il y a pas longtemps avec Sam Bernett. Mm-hmm. Et je lui ai posé la question. Il voit toujours Rolling. Il m'a fait passer, c'est très sympa, une photo prise dans Paris récente de lui et Rolling. Et Rolling, il va très bien, il est en pleine forme. Mais Rolling, c'est un taiseux. C'est quelqu'un qui, quand tu l'as en interview, il ne dit rien. Oui. C'est impossible de lui tirer les verres du nez. Donc, si tu poses la question, je suis même pas sûr qu'il te répondra. Tiens, il y en a un qui va me répondre. C'est Xavier Perrault. Donc, je l'ai eu hier. Ça date d'hier, ça. Je l'ai eu. Puis donc, il va nous parler un petit peu, de ce nouvel opus, de ce nouveau livre disque. Donc, de Johnny 71. Es-tu fier de cet opus, Johnny 71? Moi, de toute façon, je suis toujours content de travailler sur le catalogue de Johnny. Ça, c'est une certitude. Je suis entouré de gens avec qui je travaille, avec qui je m'entends bien. Il y a une collaboration maintenant qui remonte à plusieurs, à une dizaine d'années, je dirais, comme ça, à peu près. Donc, je suis très content de faire ce travail-là. Après, sur l'année 71, c'est un album quand même qui est assez, qui est un peu mythique, faut dire ce qu'il est, quoi. C'est un excellent cru dans la discographie de Johnny. C'est ça. C'est un album, si on reprend les trois derniers, Rivière ouvre ton lit, qui est un album un petit peu dingue, un petit peu radical, carrément radical en termes musicaux, et qui se fait un petit peu comme ça sur le tas, ouais. Et qui est brut de décoffrage. Vie, c'est un patchwork. Chaque chanson est plus travaillée, peut-être plus aboutie, mais musicalement, ça part dans des directions complètement différentes. C'est un espèce de patchwork. Flagrant délit, là il y a un cap du début à la fin. Il y a une unité, il y a une maîtrise totale de A à Z, je dirais. On sent que même si au départ peut-être ils n'ont pas une idée exacte de tout ce qu'ils vont enregistrer, on sent qu'au fur et à mesure où les choses se font, elles sont faites en réflexion, en considérant l'ensemble de l'album, quoi. Mmh. Donc il y a la présence de Chris Kimsey comme ingé son principal, qui va, pour qui c'est la première collaboration avec Johnny, et pour Chris Kimsey, c'est peut-être le premier disque qu'il fait en tant qu'ingé son principal. Donc pour lui, c'est un baptême du feu, il veut pas se rater, quoi. Il veut que ça soit réussi, abouti, donc il est là, il est présent, il fait attention à ce que les choses aient une unité, une cohérence. Et puis après, il y a tous les musiciens, effectivement, qui participent à l'album, hein, que ça soit quand même Gary Wright, bien évidemment, qui signe pas mal de titres sur l'album et qui joue du piano et de l'orgue. Il y a Jerry Donahue, guitare, Pat Donaldson, basse. Il y a les deux cuivres qui jouent avec les Stones, Bobby Keys et Jim Price. Mickey Jones, on va dire qu'il commence un petit peu à prendre ses distances. T'as bien évidemment Tommy Brown qui est à la batterie, donc c'est... Ce sont des bêtes de studio et de scène également. Hein. Voilà, exactement. Mais c'est surtout des très bons musiciens qui fournissent une prestation qui est à la hauteur de leurs compétences, quoi, tout simplement. C'est des gens qui vont non seulement donc collaborer en tant que musiciens de studio, mais qui sont aussi, en tous les cas, notamment Gary Wright, des auteurs, des compositeurs. On a les cuivres des Stones, on a Hugh McCracken, lui, il travaille des deux côtés de l'Atlantique, il collabore avec des artistes de dimension internationale. C'est une très belle équipe qui entoure Johnny pour la réalisation de cet album. Pour moi, c'est un album qui regarde vers les États-Unis, vers l'Amérique, qui est enregistré soit en Angleterre, mais qui regarde clairement vers l'héritage américain. C'est-à-dire que, pour moi, c'est l'un des albums les plus stoniens, on va dire, de Johnny, dans le sens où les Stones, eux, se sont beaucoup inspirés, bien évidemment, du blues, du rhythm and blues américain. Leur ADN musical, il est là. Je pense que celui de Hallyday, à ce moment-là, sur cet album-là, il est très proche de ça aussi. Jean-François. Oui, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que pour la première fois, il y a un auteur qui signe toutes les chansons. Mmh. Et c'est Philippe Labeau. Et ça, c'est pas non plus, c'est très important par rapport au produit final. Parce qu'il va dans une direction dans les textes que Johnny n'a jamais abordé. Exactement. Il a un peu amorcé avec Vie. Mmh. Et c'est pour ça, quand Xavier parlait de cet album, juste avant, qui était un peu patchwork, mais il y avait déjà la patte de Philippe Labeau sur un certain nombre de titres, et là, Labeau, il fait tous les textes, et avec des thèmes sociétals. Donc il fait évoluer Johnny aussi dans les thèmes qu'il va chanter. Et ça donne aussi cette unité, cette force à cet album, qui est estonien, mais aussi est influencé par des artistes qui sont très à la mode à l'époque, le Creedence Clearwater Revival avec l'adaptation de Fils de Personne. Tout à fait. Et Joe Cocker. Mm-hmm. Johnny a été, je pense, très sensible à la tournée Mad Dogs and Englishmen. Il va travailler sur cet album et sur le suivant avec des musiciens qui sont proches de l'univers de Joe Cocker. C'est pas pour rien qu'il adapte Delta Lady, Fille de la Nuit, titre de Joe Cocker. Donc on a plusieurs courants musicaux qui effectivement nous ramènent vers les États-Unis, qui sont pas uniquement stoniens, je trouve, qui sont un peu plus élargis que ça, et qui donnent une vraie cohérence, une force à un album qui sort dans une année où il y a une production musicale exceptionnelle, parce que 71, c'est Sticky Fingers des Rolling Stones, peut-être leur plus grand disque, en tout cas un de leurs plus grands, c'est Who's Next, un des albums majeurs des Who, c'est L.A. Woman des Doors, c'est Led Zeppelin 4 avec Stairway to Heaven par exemple, donc c'est pas rien, c'est Medal de Pink Floyd, c'est Imagine de Lennon, rencontre la production de 71, c'est Aqualung de Jethro Tull, c'est aussi Space in Time de Ten Years After, ils ont enregistré l'Olympic Sound Studio aussi. Donc et là on n'a pas à rougir, enfin, la production de Johnny, ce que Johnny propose est vraiment du niveau de ces albums là et c'est le seul en France, il est bien au-dessus de bien sûr les autres. Même Eddie Mitchell ne faisait pas ça, mais même encore Eddie Mitchell à cette année là il était un peu dans le gouffre, on va dire la vague, voilà. Exactement, il a pris la vague. Donc c'est vraiment une réussite, une grande réussite. Je sais pas si il t'en parle plus tard, mais la pochette aussi. On parle pas de la pochette, mais t'en parleras. Ouais. Parce que ça c'est pas rien, la pochette de cet album. Ah oui, tout à fait, qui est tout à fait étrange, voilà, une pochette ovni aussi, et qui ressemble tout à fait un peu ce que proposaient les groupes anglo-saxons et tout ça. Ten Years After, les King Crimson, les Jethro Tull. Ouais. Enfin, des pochettes. Même rien. Quand tu vois Who's Next, des Who, voilà, quand ils sont sur le cul en train de pisser dessus. Voilà, c'est les trucs, voilà, un peu foufou. Puis voilà. Mais c'est Jean-Marie Perrier qui avait fait cette photo-là, justement. Jean-Marie Perrier et Bob Elia. Voilà. Qui a travaillé avec lui, qui a réalisé ce projet, oui. De toute façon, on retrouve un peu tout ce qu'on vous dit un peu ce soir. On le retrouve également dans le livre disque. Ah, dans le livre disque, oui, tout à fait. Tout est bien résumé, voilà. Documentation de Jean-François Chenu et texte de Jean-François Brieux. Tout est là. Tout est là. On écoute un autre extrait, donc, de l'album de la semaine, on va dire, même carrément, hein, de l'épique Johnny 71 avec ce titre Flagrant Délit dans une version alternative. Les hommes qui aiment chasser ont découvert un nouveau gibier. Pourvu que vous soyez jeunes, ils vous pourchassent à la moindre occasion. Ça s'appelle la chasse aux jeunes et elle se pratique souvent aujourd'hui. Pourvu que vous soyez jeunes, on vous surprend en flagrant délit. Flagrant délit de jeunesse, c'est un péché plus sérieux que l'ivresse. Il court après comme après un lapin qui vient saccager leur joli jardin. Et donc vous avez pu remarquer que la version est un peu plus lente que celle de l'album, que celle sur le mix final, voilà, qui sort enfin. Et il y a une raison. En juin. Et on est très heureux évidemment de l'avoir, mais comme je te dis, on savait pas quand est-ce qu'il allait sortir. Et donc moi je me souviens, j'avais un Solex, et donc tous les jours, à partir de mi-mai, j'allais à la Fnac. Et il y avait une Fnac qui avait ouvert à Paris, qui était avenue de Wagram. C'était la seule, la première. Et à l'époque, le rayon disque était extrêmement rempli. C'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. Donc j'allais tous les jours voir si l'album sortait. Je demandais aux vendeurs s'ils savaient. Bon, ils savaient pas trop, tout. Puis un jour, tu arrives, et hop, le produit, il est dans les bacs. Donc là, tu le prends, tu regardes la pochette. Mais déjà, quelle pochette, ça? La pochette, tu rentres chez toi, tu ouvres le CD, tu le mets sur ta platine et tu l'écoutes, tu le réécoutes, parce que c'est vraiment un disque formidable. Un album en gatefold, en plus. En gatefold, donc pochette ouvrante. Alors, avec cette cover incroyable, et à l'intérieur, cette magnifique symbolique, avec ses deux mains qui se rejoignent, et puis le souvenir d'un très beau voyage fait avec. Je peux te dire que ce texte-là, je l'ai lu je ne sais combien de fois, je le connaissais par cœur, et l'album, je l'ai mis sur ma platine, le vinyle, les deux faces, et j'ai écouté ça, mais je trouvais formidable. Les titres sont formidables, il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté sur celui-là. Il n'y a rien acheté sur cet album. Il n'y a rien acheté, et puis donc on le verra après, pour le concert du Palais des Sports, ou même en tournée, il reprend... En tournée, il va reprendre 4 ou 5 titres de l'album. Mais il va reprendre au moins de 69 jusqu'à 71, il va reprendre que les titres, à part Mal. Au Palais des Sports, il y aura 7 titres, de Flagrant Délit, voilà. qui sont sur scène, oui, bien sûr. Là, de toute façon, à l'époque, dans tous ces concerts, que ce soit le Palais des Sports 69, 71 et suivant, l'album qui vient de sortir sert de base au répertoire. Et puis là, il avait à peine 10 ans de carrière également aussi, donc... il aurait pu, toi, comme il l'a fait Johnny Story en 76, où il est reparti dans les années 60, là, pas du tout. Effectivement, tu dis Yamal, Que je t'aime 69, et puis Voyage au pays des vivants, et puis le reste, c'est l'album, c'est flagrant. Ou des vieux rock'n'roll. Et je me suis fait la réflexion, je me dis, en 71, il avait 28 ans. Et cette maturité vocale qu'il a, ce punch qu'il a à 28 ans, et puis cette qualité musicale qu'il a, c'est incroyable. On reviendra sur le Palais des Sports un peu plus tard, parce qu'il y a à dire aussi. Oh oui, il y a à dire. Et donc on parlait un peu du titre Flagrant Délit, que là vous avez entendu la version alternative, qui est plus lente, et la version finale est un peu plus rapide, et c'est voulu. Justement, c'est un choix du producteur, du réalisateur, qui est Chris Kimsey, qui a voulu accélérer. Et puis, comme on parle aussi sur chaque face, il y a un temps révolu, il y a un temps donné, c'est 20 minutes par face maximum. Par face. Donc des fois, il faut faire des choix, donc on va un petit peu accélérer, et c'est vrai qu'on est tellement habitué à cette version normale pour nous, quand on écoute la version originale, on se dit, il y a quelque chose qui cloche, ils ont ralenti, ou quoi c'est fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont ralenti la bande. Non, c'est le mix original qu'on entend vraiment là, ce soir, ce qu'on vous présente, et que vous découvrirez le 23 février sur vos platines. C'est Laurent qui t'a expliqué ça. Oui, il y a aussi Xavier aussi. Oui, les deux. Mais c'est surtout Laurent, oui, qui me l'avait expliqué. Et bonne transition, Jean-François, justement. On va entendre Laurent Guénaud. Laurent Guénaud, qui est ingénieur du son, réalisateur et compositeur également. Il a participé à la découverte et au succès de plusieurs grands noms de la musique française. Même à la guerre, vous pouvez toujours chercher son site internet, c'est Laurent Guénaud Workshop. Je vous dis à ça tout à l'heure. Mais je l'ai, de toute façon, ça y est, Laurent nous écoute ce soir. Laurent, vas-y, tu peux écrire pour rejoindre ton site internet. Vous pourrez voir toutes les personnes dont qu'il a produit, pour lesquelles il a travaillé sur la réalisation de leur album. Et donc j'ai posé des questions à Laurent également. Puis la première question, c'est: tu travailles depuis quand sur les bandes de Johnny Hallyday? Et ce pourquoi j'ai été rappelé pour faire ce genre de travail, justement, ça avait commencé par Hollywood, où donc à l'époque Universal avait pris des bandes, parce que 60, 70, 80, tout ça c'est enregistré sur bande magnétique. Les bandes magnétiques se gardent pas très bien, certaines ont du mal à traverser le temps, donc toutes ces bandes magnétiques ont été numérisées, c'est-à-dire les sessions, chaque piste séparée, mise sur un ordinateur. En l'occurrence, moi je travaille sur Pro Tools, et eux font des sauvegardes en session Pro Tools. Donc moi, je reçois les sessions Pro Tools. J'entends souvent aussi parler de « Wiz, Universal a refait un nouveau master » ou a fait des remixes. Alors ça m'énerve beaucoup. Ah oui. Il y en a qui comprennent pas entre mix, mixage, remasterisation, et il y en a qui comprennent pas. Ah, alors il y a de grandes différences. Pour tes auditeurs, je vais essayer d'être un peu ludique. On va dire que le mastering, c'est l'étape finale qui suit un enregistrement sur des bandes multipistes, donc avec des instruments séparés sur plusieurs pistes. Une fois que c'est enregistré sur plusieurs pistes, on en fait un mixage stéréo, comme tout ce qu'on écoute, hein, c'est en stéréo, que ça soit un disque, que ça soit la télé aujourd'hui, tout ça c'est en stéréo. Et on va dire que le mastering, c'est un petit peu la sur le gâteau, c'est un peu la couche de vernis qui permet de gagner en largeur, en profondeur, en proximité. Donc voilà, il y a cette partie mastering. Aujourd'hui, quand on parle de remix, c'est souvent la chanson n'est pas très bonne, donc on fait un remix. On va mettre une nouvelle batterie plus dynamique et tout ça, et puis rajouter un peu des synthés ou des guitares, et que ça soit une nouvelle version. Nous, l'idée avec Xavier Perrault, et donc c'est par l'album Hollywood que j'avais commencé, sur lequel j'avais commencé à travailler, c'était quand ils ont fait ces numérisations donc de l'album Hollywood, ils se sont aperçus en écoutant les multipistes qu'il y avait plein de choses qu'on n'entendait pas, qui n'étaient pas là ou très très loin sur le mixage à l'époque. Mais il y avait beaucoup de contraintes techniques, et ça c'est important. C'est-à-dire fallait mixer très très vite, et fallait que le mix soit pour Europe 1, les 2, 3, 4, 5 grosses radios de l'époque, et il n'y avait pas encore de radio FM et tout ça. Donc pour être diffusé, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle les fréquences. Alors les fréquences, c'est du grave ou de l'aigu ou du médium. Voilà, c'est toute cette gamme de sonorités qui attache l'oreille, mais à l'époque c'était très réduit. Au niveau de ce qu'on appelle la bande passante, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup d'aigus, pas beaucoup de graves, pas beaucoup de largeur. Donc le travail que je fais aujourd'hui sur ces anciennes bandes de Johnny Hallyday, en fait je fais mon travail d'ingénieur du son, donc on me donne un album à mixer, et en fait pour moi c'est comme si ça avait été enregistré hier, et en plus la qualité des bandes, des enregistrements est juste exceptionnelle. Avec des productions incroyables, des moyens qu'on a plus aujourd'hui, tu vois, des sections de tuiles, des cordes, et en plus avec une époque, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que ça fait un peu macho, mais je dirais qu'à l'époque, malgré tout, c'était un métier d'homme, un métier. Et je dis pas qu'il y a que les hommes qui prennent des décisions, bien évidemment, mais il fallait prendre des décisions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait plus de pistes de libre sur la multipiste pour pouvoir enregistrer séparément le grand orchestre. T'as tout le grand orchestre qui se retrouve sur une piste. Et là, en 71, on travaille sur combien de pistes encore? Alors, ça commence à être super. En 71, on est en 16 pistes. En 16 pistes encore. En 16 pistes, mais pour avoir fait de toute la génération perdue et tout ça, qui est du 3 ou 4 pistes, alors là, si tout est du 3 ou 4 pistes, il va y avoir un basse-batterie-guitare sur la piste numéro 1, des cuivres, une autre guitare, un orgue sur la piste numéro 2, la voix de Johnny sur la 3. Donc j'ai très peu de marge de manœuvre pour pouvoir bosser tout ça, quoi. Alors que déjà, quand le 8 pistes est arrivé, ça a commencé à être sympathique. C'était une révolution. Mais la 16 pistes, c'est la voix royale. C'est la voix royale. C'est d'ailleurs, là, on a bien les guitares. S'il y a 3 guitares acoustiques, elles sont chacune sur une piste. S'il y a 3 guitares électriques, elles sont chacune sur une piste. Donc, on peut interagir. Et pareil pour la batterie. Bien que sur tout cet album, en général, c'est rigolo. Les batteries, c'est sur 3 pistes. C'est-à-dire, il y a une piste pour le pied, le kick, la grosse caisse. Et puis une piste qui prend un peu le charlet, tout le reste, quoi. Et la caisse claire, les cymbales et tout ça. C'est la sonorité de Tommy Brown, ça, justement. Exactement. Et puis, en plus, de toutes ces bandes-là, alors, je vais en revenir à l'album Flagrant Délit, c'est les musiciens, c'est juste des killers de musiciens, ça joue bien de la basse, de la guitare, il y a la bonne énergie, les cuivres, ça pète d'une façon incroyable, tout est très beau et très élégant. D'ailleurs, on a eu la chance, parce que bon, ça remonte à 50 ans, donc hélas, il y a des gens qui sont plus de ce monde. Chris Kimsey a enregistré cet album donc en 71, c'était la première fois qu'il était nommé ingénieur chef, donc il s'en rappelle très très bien de cet album. le premier album où on a été ingénieur du son chef, on s'en rappelle tout de notre vie. Et donc lui, il a écouté, il nous a validé l'affaire à 100%, il a trouvé ça super, il nous a remercié, enfin voilà, ça a vraiment été un super bon retour. Le gars était super content de réécouter cet album avec un son plus actuel, quoi, avec un son d'aujourd'hui, Comme je disais avec Xavier Perrault, je t'en ai redonné à cet album-là, c'est Lettre de noblesse. Eh ben, c'est exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Xavier. Voilà, il a repris un coup de jeunesse. En fait, c'est rigolo. Je pensais à l'image, tu sais, c'est ces éponges qui sont sous vide, toutes sèches, qui 5 cm sur 5 cm, tu passes sous l'eau et qui double de volume. Voilà, moi, ce que je fais, je repasse un peu sous l'eau et comme ça, j'ai toute l'amplitude des enregistrements et j'essaie de leur faire ressortir et gagner en largeur, en profondeur et voilà. Et on retrouvera Laurent un peu plus tard. Longue interview pour l'instant, mais on écoute ça avec grand intérêt, justement, toutes ces explications, aussi bien celle de Xavier que celle de Laurent. Je trouve que c'est bien de se remettre à la fois de ce que c'était à l'époque. Exactement. Et de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et le produit qui sort vendredi, j'espère, va être pour beaucoup une redécouverte de ce merveilleux album qu'est Flagrant Délit. Alors, je leur ai dit aux deux, ça va être difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que tu écoutes le nouveau mix, tu vas avoir du mal à revenir sur l'ancien. Tellement que le son est bon, tellement il est relevé à nouveau, tellement que ils ont fait des prouesses là-dessus, un travail énorme dessus. Et vraiment, je crois que maintenant je n'écouterai que cette version-là, hein, cette nouvelle version. Donc, si vous voulez voir un peu ce que fait Laurent, vous allez sur www.logatwork.com et je vous ai mis ça sur la page Facebook de Johnny de A à Z et vous retrouvez un peu le travail de Laurent Guénaud, l'ingénieur du son de cet album, de la production Johnny 71. Jean-François, titre suivant ou petite anecdote. Qu'est-ce que tu as prévu titre suivant? C'est si tu parles la première. Oui. C'est ça. Bah écoute, on va l'écouter. C'est une autre composition de Gary Wright qui a fait partie des titres qu'il a chanté au Palais des Sports. Oui. Si tu parles la première, vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Vous écoutez une prise avec une voix, la voix alternative de Johnny Hallyday. Si tu parles la première, je t'adresse ma prière. Si tu t'en parles la première, ne me laisse pas. Si tu parles la première à l'automne.

écoutez l'émission Johnny 2 à Z. Et ce soir, on vous présente l'opus Johnny 1971 avec Jean-François Chenu. Et on a écouté l'autre moitié. C'est un des deux titres composés par Johnny. Oui. Ce qui permet de rappeler que Johnny est peut-être un excellent compositeur. Exactement. Et il est aussi arrangeur sur ces deux titres. L'autre moitié, et tant qu'il y aura des trains, qui est l'un de mes titres fétiches, quand on a fait les podcasts avec Francis, et qu'on a fait notre classement de chansons, je crois que je l'ai mis en troisième. Non, j'adore ce titre. Mais non, c'est intéressant parce que le livre disque avec les vinyles, le livre disque, il y a un DVD avec une interview de Philippe Labro, et Philippe Labro revient un peu sur chaque titre et explique l'intention, les thèmes qu'il a voulu aborder, et il décrit un petit peu le message qu'il voulait faire passer. Et dans l'autre moitié, c'est vraiment une chanson très sociétale. En fait. Exactement. Voilà, allez regarder un peu autour de vous ce qui se passe. Tout le monde ne prend pas des avions, ne roule pas en Ferrari, etc. Quoi. Voilà. Et voilà, donc ça, il le raconte très très bien dans le DVD. Il faut avoir le DVD, il faut avoir le grand coffret. Et je vous dis, vraiment, ce coffret-là, il est superbe. Voilà, c'est comme on revient d'un CD, on passe à un 33 tours. Mais on a ça entre les mains et on a les yeux ébahis. Franchement, on a les yeux ébahis en voyant ce coffret. Les photos sont magnifiques. Et les photos sont superbes. Il y a plein de photos qui sont inédites. Oui. Notamment des photos prises dans le studio à l'Olympique. On voit les planches. Avec Chris Kinsey, exactement. Mais vraiment, c'est vraiment superbe. Tiens, on va retrouver Laurent Guénaud qui va nous parler au niveau des nouveaux mixages. Bon, je commande pas parce que les gens ne connaissent pas réellement le processus. Et les gens disent oui, Johnny n'aurait pas aimé ça. Oui. Et ben pas du tout. Johnny l'a écouté Hollywood. Je sais qu'Hollywood et Génération Perdue, il l'a écouté aussi. Mais voilà, moi j'avais ma retour sur Hollywood, vous l'avez écouté. Il avait trouvé ça juste incroyable et super, donc il était super content de. Bah, lui aussi redécouvrait en fait ses anciens enregistrements. Et pour te dire, même à l'époque, il nous avait dit, je sais plus sur quelle chanson, oh bah celle-là, je me souviens même plus que je l'avais chantée. Ce qui est assez rigolo, parce que ça remonte, et puis il en a chanté tellement. Même Johnny a redécouvert, quelque part, son propre album, et c'est super. Donc, non, pour rassurer les fans, Johnny, il a vraiment, ce qu'il a eu le temps d'écouter, il a vraiment adoré le travail qui avait été fait par Universal et le travail artistique. Et après, donc, pouvoir bénéficier de versions alternatives, d'autres prises... De titres un peu inédits. Certes, sur Flagrant Délit, il y a deux inédits. Il y en a un qui est un petit peu plus abouti que l'autre. Oui, c'est Waterloo qui est plus abouti. Waterloo. Le reste, il est touchant aussi. J'aurais bien aimé qu'il termine, mais bon, bah, voilà, ils n'ont pas été plus loin pour X raisons. En tant que fan, redécouvrir un peu quelques trucs qui ont été cachés, planqués comme ça, c'est plutôt pas mal. Et après, un titre comme Waterloo, c'est... Le titre est super, c'est juste que effectivement, fallait cadrer, fallait 10 titres, pas plus que ça, des bandes machin. Là, Waterloo, l'ambiance, l'humeur de la chanson, le thème était un peu différent, mais c'est une chanson qui est par abouti, où lui chante, franchement, donc moi ça fait 38 ans que je fais du studio, quand j'ouvre les bandes de Johnny Hallyday, j'avoue que je passe souvent du temps à écouter rien que la voix, parce que ça a le plaisir. Puis avec lui, il est là, t'as toute la respiration, toute l'énergie qu'il y met, c'est juste extraordinaire. Et j'avoue que tout seul chez moi dans mon studio, je me mets à chanter comme un âne tout seul et à hurler avec lui... Voilà, c'est un plaisir immense de travailler sur ces projets avec un respect de l'artistique et de l'artiste dont on ne sort jamais. On respecte toujours l'artiste et s'il y a des trucs trop moches, ce qui peut arriver dans toute production, juste des machins, ben ça on les partage pas. Ça doit rester effectivement. On les dans le tiroir et non. Voilà. Bon, on écoute Waterloo. On va écouter Waterloo, le titre inédit de Waterloo. Et juste après Waterloo, je vous ferai écouter, comme tout à l'heure pour ma jolie Sarah, on fera un petit détail. Donc, la voix a cappella de Johnny. Comme Laurent adore écouter voix a cappella. Et c'est pareil, nous aussi, on aime bien écouter cette voix a cappella de Johnny qui est superbe, mais qui d'une brillance qui est, Je confirme, parce que j'avais eu la chance d'aller dans le studio de Laurent, écouter tout le travail qu'il avait fait sur la génération perdue. Et, j'avais écouté tous les titres titres avec la voix de Johnny isolée, les titres avec juste les cuivres et tout, c'est absolument c'est incroyable. C'est ce que je me disais quand il m'a Laurent, c'est vrai qu'après j'ai recherché par la suite Laurent depuis quand il travaillait sur ses livres disques, et donc je l'ai retrouvé, sauf Hollywood, je l'ai pas retrouvé, mais il est marqué sur la chanson l'inédit de Mallory. Oui, ça y est, elle est vraiment dingue. Elle est vraiment dingue. Il est crédité. Oui, Laurent, tu es crédité sur Elle est vraiment dingue. Voilà. Hollywood, c'est le premier. C'est le premier de la série, tout à fait. Après, il y a eu, si on prend chronologiquement, il y a eu La Génération perdue, il y a eu 67, 69. Il y a eu, juste avant, il y a eu Gang. Non, alors, si je prends chronologiquement, si tu veux, après, voilà. dans l'ordre, il y a eu La Génération perdue, 67, il y a eu 69, 70, maintenant 71. Après, on passe à 76 avec Derrière l'amour, et puis les albums de Berger. De Berger et de Goldman. Et c'était avec Laurent que tu avais fait les vidéos. Oui. Voilà. Et donc, il faudrait que je les retrouve. Je les ai. Cette vidéo-là. Vous pouvez vous amuser aussi, hein, auditeurs, auditrices, de rechercher cette vidéo où Jean-François écoute avec Laurent, donc, le nouveau mix de Génération perdue. Mais aujourd'hui, on parle de l'album Flagrant délit. Et là, on va vous faire écouter, donc, le titre inédit que vous connaissez depuis déjà presque une semaine, Waterloo. Et après, on écoutera ce fameux détail voix, et après, l'entrée progressive de tous les instruments. Hein. Johnny, c'est notre empereur. Affirmatif. Et après, on écoutera, on entendra un peu plus tard Xavier Perrault qui parlera justement de la provenance de cet inédit. L'idée de tout ça qui est venue aussi après à Philippe Labro. Près d'un village du Brabant. Le soleil s'est levé très tôt au rendez-vous de Waterloo. Il fait très clair, c'est le matin. Sont les armées du destin. Un par un, les soldats meurent. Un par un, et heure par heure. Il faut bien qu'un jour ils perdent. A dit merde. Cette terre qui a connu tant d'autres guerres, il ne reste plus que des eaux, que des eaux sous le ciel gris de Waterloo. Oui. Waterloo. un titre entêtant. Un titre entêtant qui n'avait pas sa place sur l'album. Non, du tout. Mais ça le confirme. Mais qui est intéressant et qui aurait pu sortir en single. En single, comme l'avait fait Ce que l'amour a blessé, ou par exemple. Ou avant, ou des titres comme ça. Exactement. Voilà, on est d'accord. Oui, parce qu'on parle aussi hors antenne et on vous retranscrit un peu ce dont on a partagé pendant l'extrait musical. Où en sommes-nous ? Ah oui, le fameux extrait maintenant que Laurent nous a préparé pour cette émission spéciale Johnny 71. On va écouter Waterloo, Johnny qui commence en a cappella, les guitares rentrent, la basse rentre après quelques secondes après, la batterie qui rentre elle aussi, les cuivres qui vont rentrer après. Vous allez entendre ça au fur et à mesure. Soyez attentifs. Et après, on entend piano et violon. Cet extrait va durer une minute. Mais on va écouter ça tout de suite, dans cette émission Johnny de A à Z. Près d'un village du Brabant, ce fut le dernier guet-apens. Le soleil s'est levé très tôt. Waterloo, il fait très clair, c'est le matin, et le sang coulera sans fin. Ouais, il faudra se battre et mourir pour la seule gloire d'un empire. Quand tu écoutes un peu le morceau, quand tu entends uniquement guitare, basse, batterie, tu te dis c'est un peu dans le thème de Flagrant Délit un petit peu. Et c'est après c'est les violons et tout ça qui font en sorte que ça dénature un peu le ça puis même le thème mais de bon, la chanson. La chanson, le thème, le même le thème n'a rien à voir avec l'album Flagrant Délit, bien sûr, on est d'accord ce point-là. Mais musicalement, tu vois, on enlève un peu cuit, on enlève non, les cuivres, on peut le laisser, mais les violons et tout ça font en sorte qu'on passe dans une fresque musicale et qui n'a pas du tout sa place dans l'album Flagrant Délit. Quand tu écoutes ça, quelle belle période, celle de Mickey Jones et Tommy Brown. C'est quand même très très grand. C'est très très grand. On attend en livre disque aussi la 68 maintenant, si on veut faire cette belle période-là. Effectivement, il y a un trou pour le moment dans la série qui est 68, donc il viendra de toute façon. Voilà. Ça, c'est sûr, mais on travaille déjà sur le livre disque de l'année en cours. Là. On peut en parler ou pas? Oh non, parce que tant que les choses ne sont pas, tant que tout le matériel n'a pas été écouté et qu'on ne sait pas ce qu'on a, donc voilà, on verra. Bien sûr, on travaille. De toute façon, je te dirais franchement, à quoi ça sert de connaître le projet à venir six mois avant vraiment, ou quoi que ce soit? À quoi ça sert? Mais il y aura un livre disque cette année. Voilà. Un livre disque. Voilà. Le principal, c'est de savoir ça, qu'il y aura un prochain livre disque, mais après, voilà, ça veut se dire en gros à quelle date et tout ça. On a une petite pensée pour Mickey Jones, dont on a appris donc aujourd'hui qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. Voilà. On a appris ça et on se bat, c'est d'une tristesse. Et puis donc, on le voit. Ça m'a à moitié étonné parce que Foreigner est passé à Paris l'année dernière. Il était absent. J'avais pris des places parce que j'avais envie de le voir. Il n'était pas là. Voilà. Mais Universal est toujours en contact avec Mickey Jones, de toute façon. Tout à fait, oui. Xavier l'a eu pour ce projet. Exactement. Et c'est un peu grâce à lui qu'on a finalement retrouvé l'origine du texte de l'autre inédit parce que Labrosse ne se souvenait pas du tout d'avoir fait ce texte et en parlant avec Mickey Jones et avec une ou deux autres personnes, il était évident que c'était Labro qui avait fait le texte. On va écouter Xavier Perrault qui va nous parler des médias, des titres inédits, du second titre également inédit qui est Reste. On l'écoute et on enchaînera avec le titre Reste et nous on revient vous présenter encore cet album et ce livre disque, ce fameux livre disque Johnny 71. C'est dommage que les médias aient mis la communication de l'album de Johnny, du genre celui-là, le Johnny 71, sur les titres inédits. Les médias, c'est ce qu'ils cherchent, en fait. Parce que eux sont persuadés que ça ne peut intéresser qu'à partir du moment où c'est inédit. Ce qui est pas totalement faux. Le fait qu'il y ait des inédits apporte, on va dire, un supplément sur les enregistrements. Et donc, c'est vrai que eux,

deuxième inédit qui a été retrouvé sur les bandes originales de Flagrant Délit. À quoi t'aider. Alors, Xavier parle des médias. Et les médias, sur cet album-là, il y a deux partenariats médias. Oui. Il y en a eu un avec RTL et un avec BFM. Et ça a fait boule de neige. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres médias qui ont entendu, qui se sont réveillés aussitôt et qui ont voulu et qui ont proposé des sujets. Il y a eu TF1, il y a eu France Télé, il y a eu d'autres médias. Et alors, par contre, c'est assez amusant de lire dans les quotidiens, dans les journaux. Il y a un grand spécialiste critique de musique dans un grand quotidien national qui m'a fait hurler de rire parce qu'il considère que Reste est un chef-d'œuvre, une pépite enfouie. Il méprise complètement Waterloo. Tout à fait. Le garçon avait également démoli l'album des Rolling Stones parce que je pense qu'il n'avait pas eu d'interview des Rolling Stones. Donc, c'est assez marrant. Oui, mais on va dire en gros qu'il connaît rien à la discographie de Johnny Hallyday, en quelque chose. Ah, pourtant, il est connu. Hein. Oui, il est connu, mais on se demande s'il y connaît, et puis s'il s'intéresse, ou si, je sais pas, s'il comprend quelque chose, au moins dans ce domaine-là. Enfin, au moins dans cette période-là, exactement. Étonnant. On va retrouver Xavier Perrault, parce que justement, on parle des bandes, mais ces bandes-là, eh ben, elles ont mis un temps pour réapparaître. Et donc, Xavier va nous en parler. Où étaient passées ces fameuses bandes? Au départ, quand on a cherché les bandes multipistes, elles n'étaient pas en France. En France, c'était des masters, c'est ça. On n'avait que la bande mixée, le master, qui a servi à la fabrication du disque. Exactement. On n'avait pas les multipistes des sessions d'enregistrement. Donc, c'était donc pour nous impossible de pouvoir travailler sur l'album sans ces multipistes. Donc, c'était assez... Quand j'ai appris ça, j'étais assez désemparé. Donc, on a fait une première demande à nos collègues anglais, parce que potentiellement, comme le studio était en Angleterre, il pouvait avoir la bande. Et la première réponse a été non, on n'a rien sous le nom de Johnny Hallyday qui correspond à ça. Grosse déconvenue. On a réitéré notre demande en émettant le maximum d'informations pour être sûr que rien n'échappe à leur recherche. Et donc, en précisant que le réalisateur de l'album, le producteur en quelque sorte délégué par Philips pour produire l'album, était Lee Hallyday. Et dans un premier temps, ils n'ont rien trouvé, parce qu'en fait, on avait autographié Hallyday avec les deux Y. Bien sûr. Et en fait, dans un second temps, en fait, ils ont poussé leur recherche. Et ils ont dit, ah non, attendez, on a trouvé quelque chose avec Lee Hallyday, avec un I et un Y. Donc, parce qu'en fait, bien souvent, pour comprendre comment ça se passe, c'est que quand les bandes sont conservées comme ça dans un lieu à température constante, hydrométrie constante, sécurisé, protégé du feu, etc., etc. Soit la bande a été déjà lue, numérisée, et on sait ce qu'il y a dedans précisément, soit elle n'a pas été lue et numérisée, auquel cas, en fait, toutes les informations qui vont être rentrées dans la base de données qui permet de faire ces recherches correspondent à ce qui est indiqué sur la boîte de la bande. Donc là, il n'avait saisi que le nom du client, en fait, qui venait travailler, qui avait loué l'Olympic Sound Studio pour le compte de Philips, qui était Lee Hallyday. Et avec un I, parce que, voilà, ce nom-là, normalement, s'écrit avec un I et un Y, et non pas avec deux Y, comme on le sait. Tout simplement, c'est grâce à ça qu'on a pu, retrouver, grâce à l'opiniâtreté, et là, je tiens vraiment à citer ma collègue Noël de Bayol, qui travaille à la documentation, qui au fil du temps a établi des relations assez de confiance, de proximité avec nos collègues anglais. Parce que c'est pas fini encore. Parce qu'il y a d'autres albums que Johnny a fait en Angleterre, donc sans doute on y retournera, peut-être pas, je sais pas. Mais en tous les cas, là, sans son travail et sans sa bonne relation avec nos collègues anglais, on n'aurait pas pu mettre la main sur cette bande multipiste. On écoute un autre extrait de cet album de la semaine, hein, du mois, Johnny 71, l'opus Johnny 71, avec une autre voix, une prise de voix alternative, tant qu'il y aura des trains. Un titre que j'adore. Dans un vieux sac que j'ai trouvé lorsque j'étais militaire, j'ai mis mes potes et une paire de lunettes fumées. Quatre mouchoirs, un chandail noir et les lettres de mon frère qui est parti pour la guerre et qui n'est pas rentré. Je m'en vais prendre le train à 5 heures demain. ma vie tant qu'il y aura des trains qui s'en vont au loin. Je sauterai dans leur fourgon sans explication. Je m'en vais prendre le train à 5 heures demain matin sans billet. Dans le dernier des fourgons qui sentira le charbon calciné. Avec mon sac que j'ai trouvé lorsque j'étais militaire, avec mes potes et une paire de lunettes fumées, quatre mouchoirs, un chandail noir et les lettres de mon frère qui est parti pour la guerre et que je n'ai jamais remplacé. Je n'ai jamais remplacé. Non, non, je n'ai jamais remplacé. Je n'ai jamais remplacé. Que je n'ai jamais remplacé. Vous écoutez RIG, bien entendu, et l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, on parle de l'opus, du nouvel opus, du nouveau livre-disque Johnny 71 avec Jean-François Chenu. Et avec ce titre, tant qu'il y aura des trains, où Johnny prend le train sans billet, écoute, on va, c'est l'occasion de faire un petit coucou et de saluer quelqu'un que tes auditeurs, je pense, connaissent et ont beaucoup aimé, qui s'appelle Jean-Yves Billet. Qui a beaucoup œuvré pour Johnny, qui est aujourd'hui, qui coule des jours heureux en Vendée pour sa retraite et que j'ai régulièrement au téléphone. Voilà. Donc voilà, on fait on lui adresse amitiés et on le remercie encore pour tout ce qu'il a fait pour Johnny. Et puis peut-être qu'un jour, peut-être qu'on entendra Jean-Yves sur l'antenne de RIG. Pourquoi pas? Ce serait sympa. Surtout en plus qu'en sachant un peu le reste, un peu les prochains livres disques et tout ça, on va rentrer en 1972. Donc qui dit 72 dit Michel Mallory. Je sais pas pourquoi tu parles de 72. Je sais pas, comme ça, on parle des prochains. Bon, bah, la logique. On parle de Jean-Yves, donc on se dit, peut-être qu'on aura Jean-Yves ici, peut-être après on aura en interview Michel Mallory, pourquoi pas. on pense un peu à tout ça, un peu à tout ce qui va arriver. On peut se réjouir également, mais. Bah, c'est sûr que cette période, en plus, les personnes qui peuvent aujourd'hui en parler, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Oui. Mais comme on disait pour l'album Flagrant Délit, il y a plus personne qui peut témoigner. Il y a que Chris Kimsey et Mickey Jones. Alors Chris Kimsey, oui, parce qu'il va très bien. Mickey Jones, c'est plus compliqué. Oui. C'est un peu plus compliqué. Et sinon, je te dis, non, oui, il était pas sur l'album. Donc, Rolling, il parle pas. Mais, effectivement, après, dans les années qui suivent, oui, Michel Mallory, ce serait effectivement, c'est sûrement dans l'idée de Xavier de faire des choses avec lui. Et oui. même, il n'y a pas que le prochain, il y a même pour tous les autres, c'est profiter un peu de que Michel Mallory soit parmi nous. Voilà, c'est malheureux de dire ça. C'est malheureux de penser à la fin, mais je veux dire qu'il faut profiter un peu de tous ces témoignages qu'ils peuvent nous apporter, tous ces éclaircissements, tous ces. Surtout que là, oui, on rentrerait dans la grande période Mallory, 72, 73, 74, 75. Enfin, il a déjà fait Hollywood, qui est quasiment la totalité des titres, mais là, il y a beaucoup effectivement à voir et à évoquer avec lui, oui. Beaucoup. Et là, on va revenir encore avec Xavier Perrault. Vous allez me dire, où est Laurent? Mais Laurent, ne vous inquiétez pas, il va revenir dans quelques instants. J'ai posé la question à Xavier Perrault, pourquoi la sortie de Johnny 71 a été décalée pratiquement un an? Ouais. Bah, en fait, c'est simplement pour des questions de planning, tout simplement, en fait. Il a été repoussé deux fois, parce que principalement, nous, on avait la tournée Johnny Symphonique et qui est un rendez-vous extrêmement important pour nous, à la fois discographiquement, mais surtout par rapport à la tournée qui s'annonce là, qui va avoir lieu à partir du mois de mars, à partir du 13 mars. Pour nous, c'était important de, la priorité, c'était, a été donnée à ce projet-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a décalé deux fois, en fait, la sortie de 71. Oui, la réponse est claire. Non, mais là, il y avait ça, puis il y a eu aussi, tous les coffrets Bercy. Ils sont sortis, donc les sorties, le planning était très chargé. Et c'est vrai que la tournée d'Ivan Cassar, qui va démarrer au mois de mars, avec Greg Zapp, qui sera présent, qui fera la première partie. Pour cette année, parce que la tournée était partie l'année dernière aussi. Et la tournée a bien marché. Et cette année, les mois de mars et avril se remplissent très bien. Et il va y avoir pas mal de nouveautés, et beaucoup de surprises. Et entre autres, je dis la présence de Greg Zapp dans cette tournée qui va être aussi intéressante. Donc il faut y aller, on va aller à Bordeaux le voir. Bien sûr, c'est le petit plus justement. Le 10 avril. C'est le petit plus, le gros plus même, on dirait. Hein. C'est un gros surplus. On va dire la présence de Greg Slab dans ce concert-là. Oui, c'est un vrai bonus. C'est un vrai bonus. Et ça laisse penser qu'il va y avoir des choses musicalement différentes et très intéressantes. Très intéressantes. Et puis voilà, qui dit Greg Slap, évidemment, on s'imagine sous quelle tonalité, quel rythme on va l'entendre. Sous quel rythme on va l'entendre. Oui, bien sûr. Mais donc après, qui dit harmonica, dit rock, boogie, trucs comme ça en principe. Voilà. On va revenir maintenant avec Laurent Guénaud, qui va nous parler maintenant des sons des mix alternatifs. Depuis la semaine dernière, vous avez pu écouter Oh ma jolie Sarah, on l'écoutera pas parce qu'on a écouté en premier titre de la soirée. On va écouter les deux autres après. Ce sera les titres Fils de personne et le titre Fille de la nuit. Mais juste avant, Laurent nous parle un peu du son des mix alternatifs. Sur les mix alternatifs que vous avez pu faire, ouais. Le son, il est voulu comme ça. Un son brut, un son un peu sourd, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même mixage qu'on peut écouter sur le nouveau mix de l'album. Ça va dépendre un peu des titres, mais je les ai laissés effectivement en plus brut. Oui. Ces versions inédites, parce qu'elles le sont par essence, en fait, un peu plus brut. T'as des étapes de travail. Ces versions-là et la version définitive, il y a des changements de tonalité. Oui. Donc voilà, il y a eu du bidouillage, donc l'esprit sur la partie inédit et version alternative et tout ça, voilà, c'est de laisser un truc plus rough. Oui. Plus brut et avec souvent moi j'adore laisser un peu les décomptes qu'il y a un peu de bazar au début, tu vois, quand tout le monde allez 3-4 c'est parti, j'adore ça aussi. Qui décide des différentes versions alternatives, prises de voix alternatives, mix alternatives, parce qu'il n'y a pas qu'une seule prise de chaque titre? En fait ça dépend, mais vu qu'il y a très peu de pistes, oui, en général peut y avoir peut-être sur le même morceau une deuxième prise, donc où il va un peu changer, où c'est un peu sa rythmique, la façon dont il se place qui change un peu, des trucs comme ça. Mais en général, j'ai qu'une voix. Sur les versions avec voix alternative, tout ça, c'est dans une autre tonalité, donc oui. C'est des trucs différents. Non, en général, non, j'ai pas 25 pistes de voix. D'accord. En général, c'est une piste de voix et c'est la bonne, et peut-être une deuxième, voilà, où il change, où peut y avoir sur certains des albums un mot différent. Mm-hmm. Oui, comme j'ai pu entendre aussi encore, le texte n'est pas encore figé, on cherche encore à changer un ou deux mots en fonction de la musique, le phrasé apporté, on cherche encore à peaufiner. Mais tout à fait. Justement, avant de décider, avant de se dire, on en revient en prise de décision, ok, c'est celui-là qu'on sort, c'est celui-là le bon. Et quand fille pour te revoir. Je veux t'avoir. Je t'ai trouvé enfin dans la ville. Longue et blonde et nue sur ton lit noir. Non mais quelle pêche. Donc vous avez vu un peu, hein, c'est ce que parlait tout à l'heure Laurent, il a voulu laisser ses morceaux en état brut, en accentuant, en poussant en gros tous les potards en gros à fond, hein. On entend les guitares qui étaient un peu en arrière, il les a mises en avant, et c'est surtout voilà les guitares qui sont surtout mises en avant, et on l'écoute, on en parlera tout à l'heure, c'est ce qu'on écoute aussi sur le live du Palais des Sports du 25 septembre 71. Les deux titres que tu viens de passer, c'est les deux titres qui donnent un peu leur couleur, qui donnent un peu la tonalité, la couleur musicale du live. Et donc on va effectivement on va parler du Palais des Sports après, mais quand tu as démarré avec Je suis dans la rue puis l'enquille avec Fils de personne, Fils de la nuit, là c'était parti à 200 à l'heure. C'est génial. C'était génial. On en parlera tout à l'heure dans quelques instants, on parlera de ce fameux live du Palais des Sports de 1971 et vous aurez en extrait la date du 25 septembre 1971. On va revenir avec une intervention de Xavier Perrault et je lui posais la question, hein, quel est l'avenir des livres disques chez Universal et est-ce que, pourquoi pas, la cadence va augmenter à deux par an? Dans l'idée, nous, c'est ce qu'on voudrait faire. On voudrait en faire deux par an. Il y a un aspect, moi, que je vois, c'est qu'il y a une discographie d'Hallyday qui est quand même pléthorique. Et que si on n'en fait qu'un par an, au bout d'un moment, ça va être frustrant pour les gens. Je pense qu'il faut aussi un petit peu tenir compte du fait que si tu rentres dans la logique de collectionner ces éditions-là, tu vas vouloir assez rapidement, voilà, compléter ta collection, quoi. C'est beaucoup de travail, c'est des investissements, aussi importants. Et si tu veux, moi, je suis tributaire de ce que me dit ma direction. Johnny Hallyday est sans doute l'artiste catalogue parmi les plus importants du marché du disque aujourd'hui. C'est une certitude. Ça veut dire que il y a un potentiel commercial qu'il existe. Mais il faut aussi savoir l'entretenir. Et il faut aussi savoir proposer des projets intéressants, artistiquement, qui soient pertinents, qui aient du sens. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé ce projet-là et qu'on va continuer à en faire d'autres. Mais c'est un investissement aussi important. C'est-à-dire que on peut pas se permettre, quand on part sur des projets aussi ambitieux, enfin voilà, c'est un coût qui est pas anodin et qui correspond pratiquement aujourd'hui à l'enregistrement d'un nouvel album en termes d'investissement, numérisation. Alors bien évidemment, on paye pas les musiciens, c'est clair, mais on repart à zéro, on repart des sessions d'origine qu'on numérise, qu'on nettoie et ensuite on les mixe. Il y a un album live qui accompagne. Après, il y a toutes les éditions, les formats. C'est un format, un coffret vinyle super collector qui fait 48 pages. Donc, c'est un bouquin, c'est un vrai livre. Tout à fait. Il y a le format CD Le Super Deluxe Edition, lui, fait 28 pages, donc c'est plus petit. Mais voilà, c'est pas un simple boîtier CD avec un livret 12 pages et un boîtier cristal. On est dans quelque chose de qui a une vraie valeur ajoutée et qui a aussi son coût, parce que hélas, comme tout le monde, on a vu aussi nous le prix de fabrication de ces projets-là augmenter de façon importante quoi, ces dernières années quoi. Donc Universal est content, bien évidemment, d'entretenir aussi cette histoire, si tu veux, et de rendre hommage à l'héritage musical que Johnny nous a laissé, et investi aussi dans la pérennisation quelque part de cet héritage en mettant en avant 71 comme on le fait là aujourd'hui, comme on a fait Vie, comme on a fait Rivière ouvre ton lit, etc. Et on va continuer, bien évidemment. Voilà l'avenir des livres disques, c'est clair. C'est très clair, il dit exactement la réalité. Donc c'est vrai que l'idée et l'ambition, c'est d'arriver à en faire deux par an. Donc là, il y en a un qui sera en février, il y en aura un autre d'ici la fin de l'année. Et puis, on peut espérer qu'il y en aura un très vite derrière. Mais voilà, avec toutes les contraintes que Xavier a évoquées. Il y a deux collections qui plaisent et qui marchent formidablement bien. Ce sont les livres disques et c'est la collection Archive. Et la collection Archive Live, on va la retrouver en principe pour le mois de juin. En juin, oui. Donc on va l'attendre avec impatience. Voilà, on a déjà le 23 février, vous allez voir ce superbe les coffrets ou comme vous voulez livre disque de Johnny Hallyday, Flagrant Délit. Vraiment faut vous l'acquérir parce que c'est dément. Ce nouveau mix, il est vraiment dément. Et puis toutes les, comme disait Xavier aussi, les photos, vous avez un superbe bouquin, vous prenez le coffret, il y a 48 pages mais elles sont magnifiques, avec les photos à l'intérieur. Il y a le plus petit en format, on va dire 25 cm, on va dire, qui est le petit livre disque avec uniquement, il y aura les deux. Il y a trois CD. Il y a la nouvelle captation du Palais des Sports et l'album Session. Et l'album original. Voilà. Et la majorité des livres 10, ça a été trois CD dans le petit format et cinq dans le grand. Ouais. Alors, il y a eu deux exceptions, c'est 69 et 70, où là, il y avait quatre produits dans le petit livre, mais sinon, c'est trois. Alors, parfois, c'est un DVD, deux CD. Ça a même été parfois deux DVD et un CD. Là, c'est trois CD. Voilà, ça dépend du matériel dont on dispose. On verra par la suite. Donc, on va envoyer de bonnes ondes. Oui, le travail a commencé. Et voilà. On va retrouver maintenant, en intervenant, on va retrouver Laurent Guénot. Et je n'ai pas besoin de lui poser la question parce que je lui pose la question directement au téléphone. Et toi, tu as travaillé les lives surtout sur les livres disques. Moi, en fait, j'ai travaillé sur les lives, sur toutes ces rééditions livres qui sont sorties. Donc, les années où il y a des lives, je remets la tête dedans. On réécoute tout, je regarde ce qui a été utilisé à l'époque, il y a eu plusieurs rééditions, il y a peut-être eu deux soirées différentes d'utiliser, moi je vais essayer d'en trouver une troisième. Mm-hmm. Pour des raisons techniques, à l'époque, s'il y avait un problème à un moment donné sur un titre, le titre n'était pas utilisé. Je vais dire un petit peu n'importe quoi, mais si... il y avait un que je t'aime. Ben voilà, même si la version autour était exceptionnelle tout du long, exceptionnelle tant chez les musiciens que sur le Johnny, ben là, il pouvait pas utiliser ça, faire de la rustine ou un peu, c'était trop compliqué, ouais. Donc il laissait tomber la version, ils en prenaient une, il y avait pas de problème technique. Alors qu'aujourd'hui, on a donc cette facilité là de pouvoir aller choper, je vais appeler ça une rustine, mais il y a rien de péjoratif, mais une rue. Je peux aller prendre un « que je t'aime » du vendredi soir, juste une phrase « que je t'aime » et le remettre sur la session du dimanche après-midi et les gens, les fans sont plutôt contents parce qu'ils redécouvrent de nouvelles versions. Oui. Certains étaient sur place, donc ça leur rappelle des souvenirs. Oui. Le premier live en fait que j'ai fait, c'est le Palais des Sports 76. Et je sais qu'on avait beaucoup justement échangé avec Jean-François Chauny. Et alors lui, il était super fan. Et pourtant, dans le cœur des gens qui connaissent bien Johnny Hallyday et qui aiment Johnny Hallyday, le Palais des Sports 76, c'est vraiment un live référence. Et quand Universal a sorti le live de 76, les gens étaient ravis parce que d'autres versions, un autre dynamisme. Et effectivement, ça reste la même chanson, mais d'un soir à l'autre, d'un concert à l'autre, il peut y avoir un musicien un peu moins en forme ou un tout petit peu. Il y a des différences entre chaque soir. Donc aujourd'hui, les moyens techniques nous permettent donc de bénéficier de titres qui sont juste super, et mais qui n'ont pas pu, pour des raisons techniques, être utilisés à l'époque. On rentre dans le sujet donc du live, du PDS, du Palais des Sports du 25 septembre 1971. Et il faut savoir un peu que ce jour-là, il y avait matinée et une soirée. Alors absolument, c'était un samedi. Il faisait matinée à 15h30 et soirée à 20h30. Et par le plus grand des hasards, j'étais à la matinée du 25 septembre. C'était j'ai vu ce spectacle à deux reprises et c'est la première, le premier auquel j'ai assisté. Je savais pas qu'il sortirait plus tard, des années plus tard, en live. Je me souviens pas de détails particuliers, évidemment, sur cette matinée. Mais, il faisait ça le samedi, parfois le dimanche aussi. Ce Palais des Sports, il est un peu mythique pour les fans de Johnny et pour on est beaucoup à l'aimer parce que c'est comme tu dis, ça va 200 à l'heure, c'est pendant une heure et quart, ça dure à peu près une heure et quart, mm-hmm, le concert à l'époque. Johnny est à fond la caisse. Et alors faut savoir que quand il a fait ce Palais des Sports, il a été démoli par la critique, mais démoli à un point qu'il y a peu d'artistes qui s'en seraient remis. Toutes les critiques de l'époque, c'est les critiques des quotidiens, en fait, du Monde, du Figaro, de l'Aurore, de François. Il y a les têtes pensantes, en quelque sorte. Les têtes pensantes, hein, c'est pas, les critiques musicales, ouais, enfin, il y en avait pas beaucoup à l'époque, quoi, avaient été tout à fait positives. Les bien pensants, avec compagnie. Et là, les autres critiques, notamment une femme, certains la connaissent sûrement, qui s'appelle, je crois qu'elle est décédée, qui s'appelait Claude Sarraute, hein, qui écrivait dans Le Monde, qui après a fait des pieds des mains pour aller voir Johnny, mais oui, qu'elle l'avait défoncé, mais alors c'était terrible. En fait, parce que ces gens-là, ils étaient venus voir un délire encore plus grand, celui de 69 en quelque sorte, où Johnny avait créé l'événement avec ce spectacle incroyable, alors que là, son parti pris était totalement différent. Il avait misé sur la musique, sur le son, sur les lumières, voilà, il fait un spectacle très rock, très très puissant. Et c'était pas du tout dans le il n'y avait pas de fakir, il n'y avait pas de cascadeur, il n'y avait pas de cracheur de feu, il n'y avait pas tout ça, alors ça manquait à ces critiques-là. Donc ça avait été très critiqué, ça n'avait pas empêché le Palais des Sports de faire le plein, il y a eu 107 000 personnes qui sont venues au Palais des Sports. C'est un moment charnière dans sa carrière aussi, parce que il quitte Europe 1 pour passer chez RTL. Oui. C'est un changement auquel personne ne s'attendait, et à la surprise générale, c'est RTL qui devient son partenaire, et c'est très important d'avoir un partenaire radio à l'époque, parce que c'est vraiment là que ça se passe, et RTL signe un contrat qui est toujours aujourd'hui vivant, c'est un partenariat absolument incroyable. Donc ça a été un choc. Et puis ce qui avait marqué dans ce spectacle du Palais des Sports, c'était l'incroyable campagne de publicité qui annonçait ce show. Il y avait, pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, et on le voit un peu dans le film de Reichenbach, oui, au bas des Champs-Élysées, deux énormes palissades, immenses palissades, avec cette affiche géniale de Johnny sur fond un peu rouge, bleu rouge et tout, et qui dégageait une puissance tout à fait en rapport d'ailleurs avec le show qu'on allait voir, donc qui était en bas des Champs-Élysées. Et pour la première fois, les portières des taxis parisiens annonçaient aussi ce spectacle. Il y avait une promotion à l'américaine sur les bus, sur incroyable, les taxis, incroyable, partout. C'était incroyable, voilà, c'était une super promotion. Donc, tout et à donc fait. Il y a eu une générale qui était le 29 septembre, je crois, donc retransmise sur RTL avec Jean-Bernard Hébé, et à cette générale, ce qu'on appelle le Tout Paris, et c'était rendu au Palais des Sports. Quand on dit le Tout Paris, ce sont des acteurs, des chanteurs. Il y avait Fernand Reynaud, il y avait Aragon, il y avait Yves Montand, il y avait Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress, il y avait Kirk Douglas. Mm-hmm. Enfin, on a vu des photos de toutes ces personnalités qui étaient là. Tout ce beau monde s'est retrouvé après le spectacle au Fouquet's, sur les Champs-Élysées, au son des violons de Zigan. C'était oui, plus du tout la même ambiance. T'as un show à 200 km/h qui te pousse, qui t'emmène. Et le son très très fort, justement. Très très fort, qui avait cassé la tête, notamment, il paraît, de Michel Jazzy, qui paix à son âme, il est décédé récemment, grand sportif français, et il y a quelques autres qui avaient fui. On parle, dans le livre disque, on parle de Fernand Reynaud qui s'en va parce que c'était assourdissant. Voilà, Fernand Reynaud qui s'en va parce que c'était assourdissant. Je sais pas si Aragon avait jusqu'au bout, était resté jusqu'au bout, j'en sais rien. Mais ils étaient très décriés aussi pour ça aussi, ça avait le fait. Mais... Je dis, ce spectacle avait été démoli. Voilà. Et Johnny, lui, voulait la puissance, un maximum de puissance. C'est ce qu'il voulait. Et ce spectacle a été l'occasion de son premier très grand live, c'est-à-dire un live enregistré avec des moyens techniques très performants. C'était le Manor Mobile Studio des Rolling Stones. Oui, en plus. Avec Chris Kimsey. Mmh. Et ça avait donné un excellent double album vinyle, son premier double album vinyle, oui, qui est sorti au mois de novembre, je crois, en 71, et qui a été réédité en 2003 dans l'intégrale live. et pour la troisième fois donc avec cette captation du 25 septembre. L'objectif c'était la captation du 25. Quand en 2003 Jean-Pierre Janiot a proposé une nouvelle version du Palais des Sports, il n'avait pas de consigne particulière, c'est-à-dire qu'il a pris une captation et des titres qu'il s'il a avait pu prendre. S'il y avait 3-4 dates, il prenait un morceau de chaque date. Il y a eu 3 dates de capté, donc il faisait un petit mix de voilà. Alors que là, on est sur le 25. Du début à la fin. Voilà. Écoute, on va s'écouter un extrait qui n'a pas été remixé, enfin du moins, donc il n'y a pas de version alternative. C'est la chanson, donc il faut boire à la source. Il n'y a pas de version alternative sur le l'album session. Sur l'album session. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de version alternative de Il faut boire à la source. Donc évidemment, on va aller boire à la source. Donc on va boire du Ginny, on va boire, du Perrier. C'était Perrier et Ginny. Perrier. Comme il le fait sur l'affiche, comme tu disais. La scène était surélevée. C'était un espèce de glace. Glaçon géant. Oui. Dans ce glaçon, il y avait des tubulures de toutes les couleurs. Et à l'intérieur de ce glaçon, il y avait des balais qui s'étaient produits. Et il y avait un show publicitaire à l'entracte avec ces deux boissons, Ginny et Perrier. Et voilà. Et donc, on va aller se désaltérer. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Voici Johnny en live au Palais des Sports de Paris le 25 septembre 1971. Vous écoutez RIG et la radio et l'émission Johnny de A à Z. Palais des Sports, le 25 septembre 1971. Et comment ne pas mentionner aussi la présence de Michel Polnareff, dans l'orchestre, bien sûr, qui accompagne Johnny pendant tous ses concerts au Palais des Sports. Ça a été un événement, ça a été celui qui a été le plus repris par les médias à l'époque, parce que voir deux artistes de ce niveau-là jouer ensemble sans problème d'ego et autres, ça surprenait beaucoup. Ce qui se faisait aux États-Unis ne se faisait pas en France. Exactement. Alors que là, Michel Polnareff était simplement musicien dans l'orchestre, et on se souvient tous de ce formidable medley de rock'n'roll qui termine le spectacle où Johnny saute sur le piano et debout danse. Alors on entend souvent dire c'est dommage, il n'y a pas eu de captation. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas eu ce spectacle n'a pas été filmé. On n'était pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui, hein. Exactement. Dans les années, les seules images qu'on connaît, c'est des images faites par François Reichenbach dans le très beau film J'ai tout donné, que si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est vraiment un document formidable sur Johnny. Et là, on voit des images du Palais des Sports, oui, parce que Reichenbach était présent. Peut-être que lui avait tout filmé, mais aujourd'hui, c'est impossible de récupérer quoi que ce soit de bande du côté de chez Reichenbach. Il n'est plus de ce monde, et les personnes qui sont ses ayants droit ne savent pas, disent que c'est s'il y en a eu, c'est jeté à la poubelle, c'est jeté, enfin, brûlé, voilà. Membre à la poubelle, c'est dommage, c'est comme ça, mais voilà, faut se remettre dans le contexte de l'époque. On pensait pas vidéo, mais non, non, voilà, il y avait pas cette culture d'archivage, tout ça, il y avait pas cette culture là. Et François Reichenbach a suivi Johnny en tournée, et c'est le concert dont on va et parler on voit, maintenant, qui est Palavas. Dans le film, J'ai tout donné, on voilà. voit des images. Alors, donc on voit des images de Palavas. Palavas les Flots. Palavas les Flots, où il l'a suivi pendant sa tournée d'été. Et puis après, aux États-Unis, avant la tournée, il était parti aux États-Unis. Donc c'est le concert de Palavas, qui est un document, document Europe numéro 1, d'un campus de Michel Lancelot. C'est un des shows où Reichenbach était présent. Et justement, et Michel Lancelot qui parle de justement de François Reichenbach. Il dit, il y a François Reichenbach sur la scène, en train de suivre Johnny, en train de le filmer. Et donc, c'est pour ça qu'après, on se dit, oui, c'est vrai, c'est bien les images de Palavas les Flots qu'on voit dans les films, j'ai tout donné. Le film de Reichenbach, donc, on le voit tout à fait. Il y a aussi des images, quelques images de Claude Lelouch, mais après, on ne sait pas avec non plus. Pour le film L'Aventure, puisque Johnny se faisait enlever par cette bande de joyeux comédiens, Brel, Aldo Machione et Charles Denner. Mais là aussi, c'est pareil. Malheureusement, on n'a pas eu accès à des images. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, mais on va se consoler, hein. Heureusement qu'on a ça, on a toujours ces témoignages audio, toujours ça, tant qu'on peut les trouver, ben ça c'est magnifique, c'est des très beaux témoignages d'époque, et puis en plus avec des mixages superbes. Ah, c'est la collection archive, voilà, avec un document qui est pas génial à la base. Oui. Donc on fait le mieux possible. Alors faut préciser que ce concert du Palavas les Flots, on le retrouve uniquement que sur le gros coffret. Alors on le retrouve pour le moment uniquement sur ce gros coffret, oui. Donc peut-être qu'il y aura à venir dans une autre collection. Why not? Mais why not? On n'en parle pas. Ne dites pas qu'on l'a dit. Non, on n'a rien on dit va du faire tout. Comme hein. Les inconnus. Cela ne nous regarde pas. On n'a rien dit. On a dit c'est un souhait, c'est tout. Mais voilà. Alors ce concert, évidemment, on peut en critiquer la qualité sonore, mais quand on écoute. La prestation de Johnny, c'est absolument incroyable. Il y a l'énergie, L'énergie, mais c'est monstrueux. Il se passe des tas de choses dans la foule. Ah. Il y a des projecteurs qui se cassent la gueule, mais Johnny, reste imperturbable dans son show. Gros bordel sur scène, mais Johnny est dans son show. Et il y a à la fois l'énergie des musiciens, qui est incroyable, l'énergie de Johnny. Mais dans cette tournée, moi, je l'ai vu 3 semaines avant à Saint-Jean-de-Luz, au théâtre de Verdure. Mais la chance, le bonheur que j'ai eu de vivre ça et d'assister à ces tournées d'été, à ces concerts où il y avait une ambiance incroyable, c'est toute une époque. Et franchement, si Palavas, ça vaut le coup, rien que pour ça. Et ça, si vous écoutez, si vous avez à écouter donc ce Palavas les Flots, vous entendez, mais Michel Lancelot, il est affolé parce qu'il se passe dans la foule. Il se demande si on ira au bout du concert. Exactement, il le dit. Est-ce qu'on va être au bout du concert? Est-ce qu'on va aller au bout du concert? Et puis, enfin, c'est dément. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'écouter avec les commentaires du présentateur. C'est une époque. C'est une époque qui n'est plus cadrée, qui n'était pas cadrée, qui n'avait pas le même service de sécurité, qui n'avait pas tout ça. C'était le grand bazar. On pouvait improviser. C'était l'improvisation, tout à fait. Exactement. Ça, c'était génial. Et là, qu'est-ce qu'on propose comme extrait auprès de nos chers auditeurs? Je crois que tu as prévu Je suis né dans la rue. Ouais. Qui est juste une tuerie de 13 minutes, je crois. Vous allez entendre Michel Lancelot un peu affolé, se demandant qu'est-ce qui se passe. Johnny, c'est parti de la scène, qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Et c'est un morceau qui dure plus de 13 minutes. Donc. Et tu les gâtes, tes auditeurs, hein. Ah ben, ce soir, oui. C'est le seul à avoir, qui auront entendu ça avant la sortie. Voilà. Et je tiens à remercier, avant que je n'oublie, hein, donc déjà, je te remercie, Jean-François, d'être venu me présenter. Ce Johnny 71. Je tiens également à remercier Xavier Perrault et Laurent Guénaud pour leur témoignage, d'avoir porté apporter tous ces éclaircissements exactement au sujet de des bandes, au sujet de cette collection justement, et ce qui est valable là est valable aussi, sera valable aussi pour les autres. Ouais, écoute, c'est un travail d'équipe. Oui. Parce qu'on est plusieurs à participer à ce genre de projet. Et c'est toujours avec un enthousiasme et avec le souci de proposer quelque chose de qualité. Et on a l'envie, comme dit Johnny, on a l'envie. Quand on a ça dans les mains, vraiment, bah, c'est un petit bijou, c'est un gros cadeau, c'est un beau cadeau que nous a proposé donc toute cette équipe d'Universal et toute l'équipe de Panthéon. Il faut savoir apprécier ça et arrêter de gueuler dessus, quoi, de dire. Bah, ceux qui sont pas contents, ils achètent pas. Hein. Ben non, ils achètent pas. Mais franchement, tout l'auditeur, ceux qui m'écoutent, je peux vous dire, voilà, je suis assez objectif sur Johnny Hallyday, et quand je vous dis que quelque chose est bon, c'est bon, et vraiment là, on va se régaler. Et donc vous allez vous régaler à nouveau en écoutant ce documentaire de Pallava Sliflo, Johnny, sur l'antenne de Europa. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Concert de Pallava Sliflo du 17 août 1971. On va écouter Je suis né dans la rue, donc un extrait qui dure plus de 13 minutes. Je crois que là, c'est long numéro autour de Je suis né dans la rue, normalement. Il respecte le programme. Un peu d'eau. Vraiment du délire. Incroyable. Je crois que c'est plus incroyable encore que ça ne l'a été à Parc Carrel. jouer. On sait que ceux qui sont dans la scène et qui montent sans arrêt, on peut leur permettre. De tous les côtés de la ville, on me cherchait. Mes poings se sont serrés depuis, ce n'est pas changé. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Actuellement, je ne vis plus, oh, les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Mes chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue. Johnny chante Johnny, c'est un spectacle assez incroyable. C'est un mélange de, pourrions-nous dire, de hippies qui sont montés, de caméramans de François Reichenbach, des musiciens, des mêmes, de Johnny lui-même, des électriciens, des techniciens, de ceux qui sont chargés de virer notamment le Brad Thatcher, de virer les gêneurs. Ça, c'est vraiment un tableau assez incroyable. C'est un très bigarré. Ah oui, là ça commence vraiment. Johnny s'est assis, position on va dire de yoga. Là, ça va poser des problèmes. Il fait ça parce que, bien entendu, pour être encore plus près de lui, ça y est. On commence à monter. Toujours les chiens de garde. Ça s'arrange. Tout va bien. Cuivre qui continue à jouer. Le jour s'est arrêté, Tommy Brown lui a dit que c'est pas la peine d'assister. Je ne sais pas, vous entendez certainement mieux, je pense, que ceux qui sont dans ces arènes de Palavas. Prochaine bac sur la scène. Donne des endroits à ses caméramans. Johnny, je ne sais pas où il a disparu. On empêche. Oh là là, ça se bat un peu derrière le rideau. Johnny signe de la main. Il est assis maintenant, une espèce de marche derrière la scène, le conduire à la scène. Je vous ai dit, je suis en fait derrière la scène, je surplombe la scène par derrière. Il est assis sur les marches. Les musiciens continuent à faire le bof. Vraiment incroyable. Les danseuses, elles, de se ventiler en train de se rafraîchir en vraiment des chiffons. Johnny revient. Et voilà. Ça recommence. Impossible de chanter. De nouveau dégagé. Je pense qu'il va essayer de maintenir à terminer assez rapidement parce que les choses pourraient peut-être se gâter de même. Les flots du 17 août 1971. On vous a proposé, Jean-François et moi, de l'inédit ce soir. On vous a proposé Johnny 71, le fameux livre disque qui va paraître chez tous les bons disquaires et chez même chez les moins bons. Demain. Mais maintenant, demain, oui, parce qu'il est minuit passé de 30 minutes. Demain. Il sortira demain et... il faut vous le procurer, bien entendu. On ne peut que vous conseiller de l'avoir. Je tiens à remercier Jean-François Chenu pour toutes ces anecdotes sur... c'est la bibliothèque vivante sur Johnny Hallyday. Il sait tout, mais on lui pose une question, il te répond du tac au tac. Je sais pas si je sais tout, mais j'ai eu la chance de vivre ces moments-là, et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et t'as des témoignages de par les revues de presse et tout ça, qu'il y avait à l'époque. C'était très riche aussi. Essayer de tout garder. mais justement, et comme je disais, on retrouve tous les documents que tu as, on les retrouve dans le livre disque que vous allez pouvoir vous procurer dès demain. Je tiens aussi à remercier à nouveau Jean-François Chenu, bien entendu, Xavier Perrault et Laurent Guénaud pour leur participation à cette émission spéciale Johnny 1971. Et j'espère que cette émission vous a plu aussi. Et cette émission, vous pourrez bien sûr la retrouver en podcast très prochainement, dès aujourd'hui, parce que demain vous aurez le livre disque Johnny 71. On remet un petit coup de générique. Voilà. Salut tout le monde. À bientôt et à tous. Pas d'émission pour la semaine prochaine, mais vous allez pouvoir écouter à nouveau ce podcast, par exemple, C'est un exemple, hein, c'est une supposition que je vous fais, tout simplement, voilà, hein, même un conseil. Réécoutez cette émission. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne nuit, et puis je vous dis à très bientôt. Merci Jean-François, à très bientôt, toi aussi, pour une prochaine aventure ensemble sur l'antenne de RIG, dans l'émission de Johnny de A à Z. Avec plaisir, bah, peut-être pour les archives. Ouais, on en parlera plus tard, ça marche. À bientôt, toutes et à tous. Ciao, ciao. Bye.